Le sage pratique le non-agir, il s'occupe de la non-occupation et savoure ce qui est sans saveur. Les choses, grandes ou petites, nombreuses ou rares, sont égales à ses yeux. Il venge ses injures par des bienfaits. Il commence par des choses aisées lorsqu'il en médite de difficiles, par de petites choses lorsqu'il en projette de grandes. Les choses les plus difficiles du monde ont nécessairement commencé par être aisées. Les choses les plus grandes du monde ont nécessairement commencé par être petites. De là vient que jusqu'à la fin, le saint ne cherche point à faire de grandes choses. C'est pourquoi il peut accomplir de grandes choses. Celui qui promet à la légère tient rarement sa parole. Celui qui trouve beaucoup de choses faciles éprouve nécessairement de grandes difficultés. De là vient que le saint trouve tout difficile. C'est pourquoi, jusqu'au terme de sa vie, il n'éprouve nulle difficulté.